يسأل السائل: هل أنتم كيف كان على الأقل في هذه اللحظة؟ ثم السنة لها شأن عظيم. Module initial, retranscrire une lettre. Chapitre 12, dictée 138, écris la lettre que tu entends avec un soukoun. Première lettre. Ab. Ab. Ab. Ab. Ab. Deuxième lettre. Edge. Edge. Edge. Edge. Edge. Troisième lettre. F. F. F. F. F. Quatrième lettre. S. S. S. S. S. Cinquième lettre. R. R. R. R. R. Sixième lettre. Et. Et. Et. Et. Et. Septième lettre. S. S. S. S. S. Huitième lettre. F. F. F. F. F. Neuvième lettre. R. R. R. R. R. Dixième lettre. A. A. A. A. A. Onzième lettre. M. M. M. M. M. Douzième lettre. R. R. R. R. R. Treizième lettre. Ek. Ek. Ek. Ek. Ek. Quatorzième lettre. Ob. Ob. Ob. Quinzième lettre. Aou. Aou. Aou. Aou. Aou. Seizième lettre. R. R. R. R. R. Dix-septième lettre. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. 18e lettre. Un. Un. Un. Un. Un. 19e lettre. Az. Az. Az. Az. Az. 20e lettre. Av. Av. Av. Av. Av. 21e lettre. Az. Az. Az. Az. Az. 22e lettre. Ako. Ako. Ako. Ako. Ako. 23e lettre. H. H. H. H. H. 24e lettre. N. N. N. N. N. 25e lettre. Aïe. Aïe. Aïe. Aïe. Aïe. 26e lettre. Aide. Aide. Aide. Aide. Aide. 27e lettre. L. L. L. L. L. 28e lettre. Apo. Apo. Apo. Apo. Apo.